Ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux, si tu veux, te consoler en jouant du rire de mes yeux, qui ne voient que toi pourtant. Tu peux, si tu veux, te consoler en voyant au fond de mes yeux. Qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur, mon cœur sans défense devant la joie de ton cœur. Surtout ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux oser, toi, larmes qui voilent, mes yeux qui ne voient que par toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur sans défense devant la joie de toi.